Bonjour, merci d'être à l'écoute de la radio Isanganiro. C'est l'heure de suivre l'édition de la mi-journée du journal Parle en langue française de ce mardi 1er décembre 2020. Mais tout d'abord, voici les titres. Toute la population burundaise devrait s'impliquer davantage dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nadine Irakoze, représentante de l'association Action Humanitaire au Burundi, précise que la majorité des violences basées sur le genre se produisent au sein des ménages. L'augmentation des prix de différents produits au Burundi est occasionnée par le manque de devises et le phénomène de spéculation observé chez certains commerçants. Le président de l'association des commerçants du Burundi, Akobu, demande au gouvernement de prendre des mesures strictes contre les spéculateurs. Une bonne hygiène bucco-dentaire passe par un brossage de dents au moins deux fois par jour et une alimentation riche en fluor, notamment les légumes et les fruits. La chronique santé de ce mardi va développer ce sujet. Voilà pour l'essentiel et Albert Ndouimana assure la mise en onde de ce journal. À sa présentation, vous êtes avec Armel Moutor et soyez les bienvenus. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Commençons par cette brève sécuritaire. Quatre personnes ont été arrêtées par la police dans l'après-midi de ce lundi sur la colline Rushira en commune Musigati dans la province de Bobanza. Elles ont été ensuite conduites au cachot du commissariat de police. Les autorités administratives et policières expliquent qu'il s'agit des suspects qui sont en train d'être interrogés sur une attaque perpétrée au cours de la nuit de dimanche sur un ménage de la même colline de Rushira par des gens non identifiés et qui ont blessé à la machette la femme de ce ménage. La population burundaise est appelée à conjuguer les efforts pour lutter contre les violences faites aux femmes. La représentante de l'association Action Humanitaire au Burundi l'a dit ce mardi dans une conférence de presse animée dans le cadre de la célébration de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Nadine Irakoze précise que les femmes sont maltraitées d'une façon générale par leurs conjoints, tout en précisant que la majorité des violences se produisent dans les ménages. Suivez-la. En date du 25 novembre chaque année, le Burundi se joint à la communauté internationale pour débuter la sensibilisation de 16 jours d'activisme pour la lutte contre la violence faite aux femmes et filles. Cette dernière débute le 25 novembre et se clôture le 10 décembre de chaque année. C'est ainsi que l'action humanitaire au Burundi profite de cette occasion de se joindre au gouvernement du Burundi pour sensibiliser toute personne en se référant sur le thème qui nous a octroyé par le ministre du Genre, de la Solidarité et des Droits de l'Homme. Tous ensemble, lutter contre les violences faites aux femmes et filles. L'action humanitaire au Burundi profite de cette occasion pour lancer un appel à tout Burundi de valoriser son thème afin bien de lutter contre les violences faites aux femmes et filles. Page commerce à présent. Le manque de devises et la spéculation de certains commerçants sont parmi les causes à l'origine de l'augmentation des prix de différents produits dans le pays. Propos d'Antoine Emouzaneza, président de l'association des commerçants du Burundi à Kobu. Il demande au ministère ayant le commerce dans ses attributions de prendre des mesures strictes contre les spéculateurs et au gouvernement de voir comment augmenter les réserves de devises dans le pays. Suivez-le, il est traduit en français par Jean-Marie Mayong. Les productions agricoles, leurs prix augmentent suivant les périodes. Un simple exemple, vers la fin d'année, des fois les prix montent. Et la pandémie de COVID-19 nous a causé des impacts négatifs dans nos activités, comme importation des marchandises. Il y a des frontières qui sont toujours fermées, ce qui ne favorise pas la libre circulation des biens et par conséquent bloque les importations de ces marchandises. Cela cause aussi la hausse des prix des marchandises. De même, le manque de devises, nous pensons que le gouvernement est en train de trouver solution. Nous aussi, les opérateurs économiques, nous devons y mettre de force pour que ces devises soient disponibles. Il y a fermeture des bureaux de change. Cette situation nous a touchés. Le gouvernement peut aider pour que ces bureaux rouvrent. Et quant aux produits locaux, le ciment, les tôles, les prix montent à cause des spéculations. Comme solution, nous allons aider le ministère du Commerce en dénonçant les commerçants spéculateurs qui ne se conforment pas à la loi. C'était Antoine Mozaneza, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Certaines routes sont menacées par les nids de poules dans différentes localités du pays. D'autres sont devenues même impraticables, trop d'obus y étant entassés. Ce sont là des propos des auditeurs de la radio Isanganiro. Ils s'exprimaient ce lundi par téléphone lors de l'émission Ahiwanyu Havugwamaki. Ils demandent aux autorités habilitées de les reconstruire afin de faciliter le transport routier. Suivez-les. Je m'appelle Remeji de la colline Misozi, commune Tchendadjuru, province Tchanguzo. Ici, le transport est difficile. Depuis Tchanguzo jusqu'au centre de santé, la route est impraticable à cause de la montagne Nyangendo. Que les autorités habilitées fassent le tout possible pour sa réhabilitation. Je m'appelle Nibigira Ernest de Kinyinya. Nous avons des difficultés sur la route Gisuru-Kinyinya dans cette période de pluie. Il y a des tas de boue qui sont dans la route qui ne facilitent pas le transport. Des fois, des véhicules passent 3 jours ici. Nous demandons à l'administration et aux techniciens d'entretenir cette route afin de faciliter le transport. Je réponds au nom de Hakizimane, commune Giharo de la province de Lutana. La route que je vous parlais est désormais inaccessible. Sur la route Lutana-Giharo, il y a une partie qui n'est pas goudronnée. Nous essayons de reconstruire cette partie, mais en vain. Nous essayons d'y mettre de la terre rouge, mais puisque nous sommes dans la période pluvieuse, ça freine de plus la circulation. Même un taxi vélo ne trouve pas le passage. Et les conducteurs des véhicules se lamentent. Nous demandons au gouvernement d'y mettre des efforts afin que cette route soit goudronnée. Je m'appelle Mohamed de la province Kirundo. La route nationale de Kirundo vers la commune Bugabira est pleine de nids de poules. Là, le transport est douloureux. Nous demandons au gouvernement de reconstruire cette route. Le budget général de l'État pour l'exercice 2020-2021 ne précise pas le montant alloué au fonds routier contrairement à l'année budgétaire précédente. Cependant, les fonds prévus pour la construction et la réhabilitation à travers le ministère en charge des infrastructures publiques s'élèvent à plus de 32 milliards de francs burundais. Ces fonds sont constitués de dons et de prêts. Elini Bere Nibigira. Cette loi du 15 mai 2020 portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2020-2021 prévoit plus de 32 milliards 700 millions de francs burundais alloués à l'entretien et à la construction du réseau routier. Parmi ces fonds figurent les dons estimés à plus de 19 milliards destinés à la construction des routes Bururi-Gitega, Ngaro-Gitega, des travaux de réhabilitation des points critiques, ainsi que le butimage de la route Makebukuru-Yigi. Les dons sont estimés à plus de 13 milliards de francs burundais alloués à la construction de la route Bujumbura-Nyamitanga à hauteur de plus de 5 milliards 400 millions de francs burundais, ainsi que la route Rumonge-Nyanzarak pour plus de 2 milliards 300 millions de francs burundais. Toutefois, la loi budgétaire pour l'exercice 2020-2021 ne montre pas le montant destiné au fonds routier, contrairement à la précédente année budgétaire. Le budget général de l'État, exercice 2019-2020, avait prévu 8 milliards 200 millions de francs burundais qui entrent dans les caisses du fonds routier. 7 milliards provenaient de la taxe sur le carburant, tandis qu'une autre somme était constituée de la taxe de péage routier et sur le permis de conduire. Merci Elini Bel Nivigira. Le gouvernement est en train d'étudier comment délocaliser la population qui habite les quartiers menacés par les catastrophes naturelles. Déclaration d'Antoine Nhemako, le directeur général de la protection civile et la gestion des catastrophes. Ce dernier a indiqué récemment que c'est un travail qui demande beaucoup de moyens, mais que les populations concernées doivent être accompagnées pour pouvoir regagner leur propre domicile. Toutefois, Antoine Nhemako a tenu à préciser que cette assistance ne concerne pas les personnes locataires. Nhemako, suivez-le. L'emplacement, c'est à préciser. Maintenant, comment investir pour le localiser? Ça demande beaucoup de moyens et tout le secteur doit intervenir. Maintenant, pour ceux qui doivent retourner dans les quartiers Kinyinya, par exemple, 1 et 2, ceux-là peut-être vont être aider à ce qu'ils puissent regagner les domiciles pour qu'au moins ils soient à proximité des champs, pour que au moins les activités quotidiennes, tous les jours, puissent continuer. Donc, on va essayer. Ocha nous a promis d'assister certaines personnes pour que les gens puissent être accompagnés à retourner chez eux. Mais ici, j'inviterai certains déplacés climatiques, c'est vrai, qui étaient locataires, qui ne peuvent pas rester dans les sites. Il faut qu'ils aillent peut-être faire la location ailleurs, à Mairie de Bujumbura et ailleurs. Peut-être les gens qui étaient propriétaires parcellaires, sera eux, peuvent attendre vendre ou demander à ce que le gouvernement les localise ailleurs. Donc combien sont-ils? Les enquêtes sont en cours. Peut-être si les gens doivent être délocalisés ou relocalisés ailleurs, peut-être c'est les propriétaires des parcelles qui devraient être concernés. Isanganiro. 13 heures passées de 7 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Aujourd'hui, la femme Mushinganahe peut participer à toutes les activités de Bashinganahe, y compris le Wiklo. Une place chèrement acquise, souligne Catherine Tegera, qui a été vice-présidente du Conseil national de Bashinganahe pendant 12 ans. Suivez Mireille Kanyang plutôt. La place de la femme est satisfaisante au niveau de l'institution parce qu'il participe à toutes les activités de l'institution de Bashinganahe. Faire entendre les préoccupations de la femme au foyer, c'est l'une des raisons ayant poussé la femme Mushinganahe Catherine Tegera à s'impliquer davantage auprès de Bashinganahe. Chaque fois qu'on disait il y a une réunion, j'étais là, j'étais présente. Et la chance que j'ai eue, mon mari, il me soutenait même et je prenais la parole sans problème. Et c'est là alors que j'ai commencé à lutter pour que la femme ait la place, pour montrer les violences que les femmes subissent dans leur ménage, les violences que les femmes subissent au niveau de leurs droits. Alors, c'est là où les Bashinganahe ont commencé à me comprendre tout doucement, parce qu'on y allait lentement, mais sûrement. La place de la femme au sein de l'institution des Bashinganahe est satisfaisante, se réjouit-elle, et peut aujourd'hui prendre part aux séances tenantes des activités des Bashinganahe. Moi-même qui vous parle, je suis le responsable des Bashinganahe au niveau de la zone Moussaga. Et il y a aussi une présidente d'institution au niveau provincial en province Muyinga et aussi en commune Lumonge. C'est une femme qui est à la tête de l'unité de Bashinganahe au niveau de la commune. Et là, c'est pas le hasard qui a fait qu'ils soient là, c'est parce qu'ils ont vu leur capacité, ils ont vu leur rôle. Le rôle de ces femmes est important. Et alors, ils ont été choisis par les Bashinganahe eux-mêmes. En pleine campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, Madame Tegué appelle surtout les femmes à intégrer les associations. Ce qu'il faut d'abord, c'est que les femmes et les enfants, et même les hommes, il faut que nous essayions d'être au courant des droits et des devoirs pour pouvoir les utiliser. Il y a les droits qui nous protègent, il faut que les femmes sachent ça. Je dirais aussi, il faut que les femmes sortent de leur enclos pour être dans les associations, pour participer à des activités en groupe, pour qu'ils puissent avoir des connaissances beaucoup plus poussées. Il faut aussi qu'ils participent à des activités génératrices de revenus. Catherine Tegera rappelle que la fonction du Bushinganahe n'est aucunement liée au sexe, mais plutôt aux valeurs du Bounou. C'était Catherine Tegera qui s'entretenait avec Mireille Kanyange. Les bruits provoqués de nuit comme de jour par les églises et les bars perturbent le voisinage dans les quartiers de la commune Mukaza. C'est du moins l'avis de certains participants à la réunion tenue ce lundi par l'administrateur de cette commune avec les leaders religieux et les représentants de diverses associations œuvrant dans cette commune. Renova Sindayehebola leur a conseillé de privilégier le dialogue dans la recherche de la solution, ajoutant que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Moïse Misago. L'une des participants à cette réunion a dénoncé la perturbation du voisinage causée par les tapages nocturnes des églises et mosquées. Cependant, elle a demandé à l'administrateur de la commune Mukaza de contrôler l'octroi des autorisations d'ouverture des lieux de culte en attendant que ceux déjà ouverts pensent à l'insonorisation de leurs événements. Les églises et mosquées que vous êtes en train d'autoriser, elles sont proches des maisons. Dans ces maisons, on peut y trouver des bébés qui se reposent ou des élèves qui ont besoin du calme pour revoir la matière. Les voisins sont gênés par des tapages nocturnes. Si on ne peut pas insonoriser des églises, il faut contrôler les autorisations car les maisons sont proches des églises ou mosquées, c'est priver la liberté des gens. L'administrateur de la commune Mukaza, Renova Sindayehebura, a interpellé les responsables religieux et les représentants des associations de faire des sensibilisations pour résoudre ce problème. Vers 23h ou à minuit, on peut entendre des bruits dans le quartier. Celui qui fait cela ne pense pas qu'il y a des gens qui se reposent. Sensibilisez ces gens au cours de vos réunions, car les participants dans ces réunions sont les fidèles des églises. C'est à corriger progressivement. Cette autorité communale a demandé avec insistance aux participants de mettre en avant le dialogue, d'autant plus que chacun contribue d'une manière ou d'une autre dans le développement socio-économique du pays. Il les a invités à comprendre que la liberté des uns se termine là où commence celle des autres. Radio Isanganiro, chronique santé. Une bonne hygiène bucco-dentaire aide à se débarrasser des débris alimentaires et prévient l'apparition de la plaque dentaire, la prolifération bactérienne et les inflammations associées. Le dentiste Fabrice Enhoari précise que le brossage des dents doit se faire après le repas au moins deux fois par jour, le matin et surtout le soir. Manger des repas contenant du fluor comme les légumes et fruits fait partie de l'hygiène bucco-dentaire et renforce la partie externe de la couronne des dents. Ornella Mucho. L'hygiène bucco-dentaire est une combinaison d'actes qui permet de garder la bouche propre, saine et en bonne santé. Le dentiste Fabrice Enhoari précise qu'il y a différents moyens de faire l'hygiène buccale. Premièrement, il faut faire le brossage des dents. Deuxièmement, avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire contenant de glucides, de lipides et de protéines, tout en privilégiant des aliments contenant de le fluor. Mais aussi, il faut réduire la consommation de sucre, éviter le grignotage entre les repas. Le fait de faire le grignotage, par exemple le matin, il y prend le petit déjeuner, à 10h, il y prend un beignet ou bien un biscuit, à 14h, il y prend le dîner, à 15h, il y prend quelque chose, les bonbons ou quoi. Dans ce cas, le brossage des dents sera difficile. Aussi, il faut aussi éviter le tabac et réduire l'alcool. En évitant le grignotage, c'est aussi le moyen de garder la bouche saine. Docteur Enhoari précise que dans le cas contraire, ça augmente l'acidité buccale au moment où c'est difficile ou rare d'avoir le réflexe de se brosser les dents. Privilégiez le brossage du soir, car pendant la nuit, la production de salive diminue et les acides ne sont plus neutralisés. Le brossage des dents doit se faire au minimum 10 fois par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir, et plus particulièrement le soir après le repas, parce qu'on sécrète moins de salive. Le risque de formation de caries à ce moment-là est plus élevé, car la salive participe à la neutralisation de l'acidité buccale. Il y a alors la technique de brossage des dents durant 3 à 5 minutes. Il faut brosser les dents du rond et puis celle du bas. La face interne, tout comme la face externe. Il faut effectuer des mouvements circulaires ou bien des mouvements verticaux pour brosser les dents en arrêt de la gencive vers la dent. Il faut placer la brosse à dents sur la dent en position diagonale de manière à ce que les poils de la brosse à dents soient inclinés vers la racine de la dent. Il faut éviter de brosser les dents de façon horizontale parce que cette technique use les dents et les gencives et entraîne à la longue un déchaussement dentaire et avoir une sensibilité dentaire. Il faut parcourir toutes les dents de la cavité buccale. Après, il faut brosser aussi les faces au crisard des molaires et des prémolaires avec des mouvements horizontaux. Enfin, il faut aussi brosser la langue pour avoir une bonne haleine. Selon l'OMS, 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries dentaires. Dans notre prochaine chronique santé, Dr Fabrice Enhoari parlera toujours des principes à respecter pour garder une hygiène buccale. Eh bien, nous disons merci à Ornella Mucho et à son hôte, le docteur dentiste Fabrice Enhoari. C'est par cette chronique santé que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Armel Mutore en compagnie d'Albert Ndouayo à la cabine technique. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.